Electric. Dans le quartier, ta planche, t'es ta poupe, t'as tes potos, on connaît ta dépôt. Mais chez Gué, mais tiens, passe dans l'autocalibre et dans le fil.